On parle de l'intelligence. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, c'est un principe universel, l'intelligence qui descend dans l'homme. La volonté, c'est la même chose, l'amour, c'est la même chose. Mais nous autres, on a coupé ça pour veut que l'intelligence nous appartient. Ça n'appartient pas à personne, l'intelligence, c'est un principe universel. Ça fait partie de la constitution des mondes, l'intelligence. Comme la volonté et l'amour, ça fait partie de la constitution des mondes, l'homme fait partie de ces mondes-là. Alors, il est réceptif vibratoirement à ces énergies-là. L'intelligence, ça n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a pas besoin de ça, excepté pour faire ce qu'il y a à faire, un point, c'est tout. Mais non, l'homme, il veut. Il en veut, l'intelligence. Il veut comprendre. Il vous dit, Gervais. C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Parce que, quelles que soient les qualités spirituelles que vous attachez à l'intelligence, ou quelles que soient les qualités spirituelles que vous attachez à votre propre évolution, tout ça fait partie de votre évolution vers l'instrumental. Un jour, vous serez totalement en dehors de ça. Totalement. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là dans le savoir. Là. Oui, je vous dis, c'est une égarantie de niveau de l'ignorance humaine. C'est une égarantie. C'est une égarantie. Ça n'est. C'est un affront à l'intelligence, pas de l'art. C'est un affront à l'intelligence cosmique, ignorant de l'art. C'est un affront. Parce que je vous dis que quand on change de communiquer avec tous les gens contents, vous les avez. Les autres. Moi, je me rappelle avoir raconté comment que je vivais. Je vis dans une boîte. D'accord, bien, ton succès, tes enfants, ta famille, ta télévision, ta job, ton voyage au bout de l'année. Tu vis une boîte. Du coup, dans la boîte, tu dis, tu es, d'où je viens, d'où je m'en vais. Je veux t'y aider. J'ai pas eu la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? Et ça, au bout de la boîte, tu dis, tu es au bout de la boîte. C'est ça l'évidence. Ouais. C'est la limite de la raison. Pour que je puisse parler à l'homme, il faut que l'homme puisse m'écouter parler. Si les gens sont pas capables de m'écouter parler, je ne peux pas parler à l'homme. Parce que je ne peux pas penser l'homme à l'écouter. Pas être plaisant. Je ne permettrai plus que des gens retardent mon travail. Parce qu'en retardant mon travail, ce n'est pas vous qui retardez, moi je suis conscient, il retarde l'émission des autres. Pour que je puisse fonctionner le plus possible, pour que les gens puissent comprendre le plus possible, parce que les gens doivent comprendre le plus possible, le plus tôt possible. Je ne peux pas devenir connaissance, je ne peux pas t'enseigner, j'ai dit c'est quoi, j'ai pas le droit de faire ça, ça fonctionne pas de même. Je peux te dire, je peux te montrer comment la partie va. Il faut qu'on sache comment la chercher à connaissance. Faut qu'on apprenne à vivre. Quand tu passes une idée dans la tête et tu choques un petit peu votre intellect, c'est celle-là qui est bonne. Aussitôt que tu passes une idée dans la tête là, qui choque votre intellect, là, ça vous paraît impossible, c'est celle-là qui est possible. Poignez-la celle-là. Puis allez chercher l'information. Si votre ego a le côté final, parce qu'il pense, je donne un exemple, là, parce que je vous donne des exemples. Soit on vient d'aller dans votre chaise, vous votre café, puis ça vous dit dans votre tête, vous pensez que ça vous dit dans votre tête, vous pensez à ça. Que l'homme, c'est pas une créature de Dieu. Là, votre ego va jouer. Là. C'est là, là. Il faut que vous la preniez, cette idée-là, parce qu'elle vient de l'autre en haut pour vous faire comprendre de l'autre. Là, le canal est ouvert, parce que les gens, c'est lui, il faut. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils vont dire, c'est ça. Là, habituez-vous à aller chercher de la connaissance quand il faut passer un petit filet de logique. Là, vous allez devenir ça. On va chercher un petit filet d'énergie pour finir par aller en deux. C'est ça. Exactement. D'accord. C'est comme une impression, là, c'est bien que, comme à un moment donné, année, j'ai compris ce que c'était que le programme. Et je crois que, en parole, il y a quelque chose qui. Oh. C'est pas plus beau, il est pas bien prêt. Oh. Là, je le cherchais, oh, parce que j'étais bien pendant le. Et toi, avec ta sensibilité, t'as la chance d'aller chercher l'information. C'est plus mêlé, là. C'est mêlé parce que t'as à cause de l'émotion dans ta connaissance. T'as à cause de l'émotion dans ton savoir. T'as à cause de l'émotion dans ta vie. C'est ça, c'est mêlé. Mais il vient d'où a bien l'émotion. Oui. Et qui servait à mon avis, tu dis sur le cassette, qu'ils construisent la nuit le matériel qui leur sert le jour pour nous illusionner, enfin, donc. À un moment donné, ça veut dire que c'est quoi la nuit? Il y a des coupures qui se font, puis il y a des rêves, puis à un moment donné, tu rêves plus. Moi, je ne sais plus, là. Je ne sais plus rien. C'est noir. Quand c'est noir, c'est là, ça fait partie du cri, là. C'est pas le fait de réaliser qui change les choses automatiquement. C'est ça qui est mêlant. Hein? Les conditions de vos esprits de l'entreprise, ils sont toujours en relation avec le travail qu'ils font. Tout le temps. C'est à vous autres, avec toutes les jasettes qu'on fait, c'est à vous autres de pouvoir comprendre ça et vous mettre au neuf d'avant. D'abord, ils vont pas vous amener à vibrer à leur énergie trop vite. Parce que c'est trop dur. Au moins, il vous amène à vivre à l'énergie graduellement, graduellement, graduellement, graduellement, graduellement. C'est pas important de trouver ou vite. Bien dans sa chose. Quand ils vous mettent quelque chose en tête qui semble être impossible, contre, anti, c'est qu'il est là. Parce que c'est là. Moi, il n'est pas une passe quelque chose, wow, c'est intéressant. Moi, c'est parce que je suis tellement conscient des autres que la moindre chose qui me fâche, je la prends. Là, je dis que c'est ce que tu dis là, là. Puis il me l'explique. Ça dépend de vous autres. Ça dépend de vous autres. Mais éventuellement, ils ouvrent. Éventuellement, ça ouvre. Mais ils ne peuvent pas aller trop loin parce que s'ils allaient trop loin trop vite, ils seraient comme des haut-parleurs. C'est ce que je veux dire. Tu n'as été une pendant 4 ans. Parce que l'homme, à cause de son émotion, quand il reçoit des choses qui sont vastes, qui sont universelles, il veut les transmettre. Il y a rien dans ça. On veut transmettre. D'accord. Ça fait partie de notre émotion pareil. Si tu transmets l'énergie à une personne par ce biais-là, il faut que tu puisses t'assurer de continuer le travail que tu as commencé. Voilà, là. Si tu parles à une personne, change son esprit, parce que change la vibration de ton esprit. Faut que tu puisses avoir la force de continuer ce travail-là. C'est toi qui dis absolument vos alliances. Quand tu t'habilles, quand il y a des gars comme Moïse à Nord, moi, tu t'habilles là. Tu dit, il y a une dame pour Mignon. Tu te fais dire par des entités dans le monde des esprits, tu vas avoir un drame mental en fait, et la fin du monde en fait. Tu pars, tu t'en vas venir à son mort. Donc, imaginez-vous si ça a été par eux autres en haut, quelque chose, parce que c'était la convaincue.

Il dit, quand notre esprit est puissant, on n'a plus besoin d'ego. Parce que l'ego, c'est le support de l'esprit. C'est pour ça que l'ego travaille. Quand l'esprit est puissant, là, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'ego. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ton ego, tu sens pas. Tu peux pas te situer dans ton ego. Tu peux pas. Mais c'est un bien. Donc là, tu fonctionnes en relation avec ton esprit. Oh, il dit que l'esprit de l'homme, c'est la transformation parfaite de l'ego. Hein? Plus l'ego se transforme, plus ça devient de l'esprit. C'est quand que l'homme est dans l'esprit de l'homme que l'homme devient créateur. Tant que l'homme n'est pas dans l'esprit de l'homme, il est une créature. C'est pour ça que l'ego est la manifestation de la création de l'homme. Ça, c'est bien important de comprendre ça, parce qu'il dit ça, c'est de la nouvelle intuition qu'on soit, que quand l'ego est totalement transmuté, il devient de l'esprit. Puis de l'esprit, ça ne se détruit pas, ça ne se tue pas, ça ne se ment pas, ça ne se détériore pas, parce que de l'esprit, ça fait partie du grand esprit de la vie. Plus l'ego se transmute, plus on devient esprit. C'est ça, dans cette image de l'homme, on dira que l'homme, il est esprit. Pourquoi de la sienne? Durant la sienne, c'est lui. C'est pour ça qu'on s'entend, c'est d'éliminer cet égo-là. C'est ça. C'est bon. L'égo, c'est la caricature de l'esprit. C'est la masque de l'esprit. Là, il dit qu'elle a permis d'employer le mot esprit. Il faut que le masque soit détruit. C'est ça. Puis quand le masque de l'ego est détruit, quand le masque de l'esprit est détruit, à ce moment-là, l'homme est dans la puissance de la lumière. Parce que l'esprit de l'homme et l'esprit universel, c'est la même chose. Seulement, l'esprit universel, c'est fait de la perfection de l'infinité, tandis que l'homme est fait de l'infinité de la perfection. C'est la différence entre les deux esprits. Ce sont toutes des différences quantitatives et lumineuses. Oui, mais c'est de la même matière quand c'est même. C'est la même matière. C'est la même matière. Ça ne montre pas. Parce que l'homme qui est rendu dans son esprit peut commander la matière, puisque la matière est faite de l'esprit. Comment on ne l'évoque pas? La matière est oubliée. C'est ça qui se passe avec les extraterrestres. Les extraterrestres, quand vous êtes parti de 4,5 à l'unité, ils sont mis sur la planète Terre, j'arrive, ça ne veut pas en deux ans. Yeah. Tu te promènes dans les terres et c'est qu'il est où? Il est way into my book. Mais il dit que c'est l'information très importante que l'ego, quand l'ego est transmuté, l'homme devient dans l'esprit. L'homme développe son esprit. C'est dans l'esprit de l'homme qui vise le pouvoir et non dans l'ego. Si vous ne renaissez dans l'esprit, vous ne vivrez pas du tout. C'est ça. OK. Vous renaissez dans l'esprit. Exactement. Bien dit. Et ça, c'est ce qu'il disait. Il faut comprendre ce qu'il dit. La comprendre. Ça en sort comme dans des formes spirituelles. Parce que là, l'ego va être devenu ce qu'il disait à sa façon. Oui, mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas. On commence à comprendre. On commence à comprendre. Je viens d'en faire une part depuis que tu as connu mon travail. Change de semaine en semaine. Puis, je me rends compte que le gros point de notre job, c'était de flancher ses égouts. Tout à l'heure, tu disais, quand tu commences à changer de vibration d'une personne, tu t'en occupes jusqu'au bout. Je te disais, tu devrais faire un job. Oui, c'est ça, par année, moi, ça vous dit. Ah, c'est une façon de parler quand je parle de même. Quand je parle de même, ce que je dis, c'est que si tu commences à te lier avec une personne vibratoirement au niveau de ton esprit puis du sien, c'est évident qu'éventuellement, il va s'établir un lien vibratoire avec encore plus de cette personne-là. Mm. c'est dans ce sens-là. Au niveau de ton ego. Si tu t'es inscrit dans l'esprit, c'est une autre chose. Non, moi, je t'ai inscrit avec vous autres en esprit, mais c'est pas au niveau de mon ego. Comme ça, je ne me vide pas. Mais si je m'inscris au niveau de mon ego, je me vide. C'est ton information contre ton ego de ton esprit. Au niveau de l'esprit. C'est pareil. Oui. Si son information contre ton ego de ton esprit, là, il n'y a plus affaire aux gens. En somme, les gens s'arrangent avec ce qu'ils veulent faire. C'est ça. Le travail, c'est après tout, c'est comment de. C'est ça. Il dit du moment que vous n'êtes pas en ego, inscrivez-vous en esprit. Puis en esprit, vous devez être là, vous allez savoir quand. Quand vous inquiétez, quand vous vous inquiétez, c'est quand l'ego vous donne la main parce que l'ego ne s'arrête pas. Ça fait toujours de l'overtime. Il te le dit dans son œil. C'est ça. C'est ça. Ils vont te le dire. Mais c'est lui le cas. C'est ça, quand je vous dis quelque chose, vous ne comprenez pas ce spot, mais ramenez les moyens pour que je le mette à point. Sans ça, ça nous crée des tensions. Moi, je trouve ça difficile, des fois, de... Tu n'es pas une monopolie, c'est pas ça. C'est ça, difficile de situer l'ego par rapport à l'esprit, parce que, il y a quelques années, le contact que j'avais, il était clair, j'avais ça clair comme de l'eau de roche. Oui, parce que, il y a quelques années, le contact devait spiritualiser ton ego. Ah, c'est pour ça que le contact était clair. Ça faisait partie de la transformation des corps. Il fallait que la spiritualisation se fasse. Donc, le contact a spiritualisé ton ego. Mais à cette heure que l'ego est assez spiritualisé, il faut que le contact le déspiritualise. Puis le contact déspiritualise l'ego en se retirant. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être trop. Mm-hmm. Bon, mais là, ben, il y en a deux qui se chicanent. C'est la polarité. À un moment donné, ça vient. Puis aussitôt que j'en prends conscience, tout se passe. Là, ben, la question qui me vient à l'esprit, qui reste tout le temps, qui me vient là, qui reste tout le temps à faire répondre, c'est qu'est-ce qui reste maintenant? C'est vous, toi, qu'est-ce qui reste? Ou bien, à un moment donné, par exemple, dans mon travail, que ça m'est arrivé, j'ai un cours de 25 minutes à donner, je commence à donner le cours, je suis consciente, là, je commence à le donner, fait que, oups, je vais y aller. C'est la 20 minutes que je passe, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, je sais pas si. Je bute sur un mot, puis là, c'est comme si je revenais. Mais là, qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui fait partie de ce but? Là, ben, des questions qui restent comme ça. La transmutation de l'ego par l'esprit. Puis, que quand on va comprendre ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est pas avoir l'ego. Mm-hmm. Là, on va être bête. Là, on ne fera pas de gaffe. Mm-hmm. On ne fera pas d'overtime. On va être brûlé. Il n'y a pas d'émotion. Mais la première fois qu'il m'explique clairement ce que c'est la relation du groupe, et c'est pas ça, il est sérieux, hein, maintenant. Ils vont te répondre d'une certaine façon. Il y a encore d'autres. Est-ce que c'est le nombre des esprits que tu as pénétrés dans le passé? Oui. Les matins, ils ont cru. Est-ce qu'on va vivre ça encore ou les... Non. Non. Non, parce que les gens vont aller seulement. Est-ce que ça va juste pour l'intérieur, le discernement? Le discernement, ça va juste pour... Le discernement, ça se va. Le discernement, ça permet à l'homme de totalement se sculpter. Ça va, c'est la honte. Les martyrs, ça faisait partie des religions, ça faisait partie des conditions de l'ego. C'est le pire de l'ego. C'est une des manifestations, la pire sans faire de l'ego que l'humanité. parce que les êtres humains autour d'un ego imputaient à l'ego ses gestes, son comportement. Comment ça? C'est ça, je veux dire. Par le passé, là, moi, je trouve que c'est un bon exemple parce que finalement, les êtres humains autour mettaient ça sur le dos de la personnalité du gars au lieu de dire que qu'est-ce qu'il véhiculait. Parce que là, le discernement, tu comprends que tout ce qu'il dit, c'est à sa place. Il faut que ce soit lui. Quand rien est inutile, fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de dire, bon, mais si quelqu'un te t'engueule ou quelque chose, tu dis, il y a une raison. Puis en arrière de cette raison-là, il y a une autre raison, puis il y a une autre raison, puis il y a une autre raison. Fait qu'à ce moment-là, il n'est plus ni dans lui. Chacun a raison. Ouais, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Parce que si ça se produit, c'est là, c'est ça. C'est ça. Tout le monde a raison. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la vie, on est très confronté avec. Ils disent que la vie universelle, que les aussi, c'est vrai, c'est davantage. Est-ce qu'on va être confronté à répondre comme quelqu'un, non, qui n'est pas le bon, pas de ce côté-là, dans son hommage, tu sais. Non, on ne sera pas confronté à rien parce qu'on aurait été confronté à soi-même. C'est ça. C'est le fait qu'il va faire ce pied à soi-même. À soi-même. Les relations qu'on a avec les gens qui nous parlent. Non. Non. On aura. D'abord, on aura aucun mal. C'est aucun mal. C'est un discernement. C'est une pensée universelle. Tu vas toujours en relation avec ce que tu sais. Et non en relation avec ce que tu penses que tu es. Ou en relation avec ce que tu penses que tu dois représenter. Il n'y a aucune représentation dans mon sens. Quand t'es conscient, tu dois rien à personne, mon cher. Mais vous, si quelqu'un vous oblige à l'époque, personne ne peut t'obliger à rien. Parce que personne, quand t'es dit ça, maintenant, personne ne sait qui tu es. C'est pas que t'obliges à j'ai l'impression d'aller l'année dernière, ça va être bien, la fin du monde, tout ça. Oui, mais ça, ce sont des impressions spirituelles qui font partie encore des formes qui sont déguisées à l'âme par le monde des esprits. Le bien universel, ça vient d'où? Ça vient d'où la connaissance du bien universel? Et le livre va être écrit dans la franchise des mots. Fait qu'automatiquement, ça va devenir un livre maudit. Automatique. Regardez dans les révélations, dans les prophéties, il y en a. Sans ça, là, je me ferais ça. Là, je me ferais ça. J'ai pas les temps, je vais me faire des temps, John. C'est un petit peu plus simple que ça. On peut plus vivre d'autorité. Moi, j'ai parlé. Comment tu t'appelles celui qui écrit dans les livres, le livre universel? Par contre, j'ai parlé en soi et toi. Je t'en mouille d'abord. Parce que ces textes, la façon dont les textes ont été transmis, il y a tellement de spiritualité là-dedans que pour des raisons, je fais la partie de ma conversation, je t'en vous dis. C'est juste ce qu'il m'a répondu, il a dit que ta job de refaire son affaire. On est obligé de parler de ça. La réponse me l'a dit. Alors, toi, on fait partie, je vous en parle de ça. Vous voulez expliquer quelque chose, Arton? Orton, c'est un concile. Tu fais partie du monde des esprits, mais qui est soumis aux lois de la programmation universelle de la planète Terre. Orton fait partie du concile des juges des grandes religions universelles. Thank you.

du département d'où je viens. Fait qu'à ce moment-là, t'es tout au service de personne. Moi, je suis tout au service de personne. C'est tout, je dis souvent, je sympathise avec toi, mais j'ai aucune sympathie pour eux. Et c'est difficile de comprendre ça, mon ventre. Parce que tant qu'on pense, on se donne des raisons de vie. Les raisons de vie donc, qu'on se donne font partie justement des raisons de vie qui nous sont démontrées par ces êtres-là qui sont sur d'autres plans. Ça, c'est notre problème du premier. C'est comme le Tibétain. Je le connais très bien, le Tibétain. Je pourrais vous en parler. Je peux même vous dire ce qu'il fait, le Tibétain. Je m'en connais le Tibétain. Ça n'a aucunement à voir avec les choses où on s'y est de l'humanité. Ça a à voir avec les choses spirituelles de l'humanité. Et toute mon ancienneté est automatiquement à l'extérieur de toute spiritualité. Être mon ancien, c'est être créateur. Bien être créateur, c'est être ingénieur. Bien être ingénieur, c'est être dans la science de la vie. Bien être dans la science de la vie, c'est comprendre toutes les forces de la vie. Tu comprends toutes les forces de la vie, ça fait partie de l'évolution. Et lorsque les hommes seront dans la conscience de la vie et qu'ils comprendront les forces de l'évolution, ils seront dans la science de la vie. Quand les hommes sont dans la science de la vie, à ce moment-là, les hommes seront de plus en plus les aspects parfaits de ce que vous appelez vous autres dieux. En attendant, on a bien des choses à apprendre. Mais ce qu'on doit apprendre, dans le temps où on est présentement, c'est que toute condition imposée à l'homme ou à l'humanité par des entités qui sont en évolution sur d'autres plans sont des conditions de soumission, sont des conditions de domination spirituelle, et une condition de domination spirituelle, c'est une condition de service. Alors, l'homme est dicté aujourd'hui qu'il doit servir pour élever ses vibrations spirituelles, mais dans un âge avancé, l'homme ne servira plus parce que l'homme n'a plus à servir. Tu sais tant qu'à servir, mais quand tu n'as plus à servir, tu sais plus. Mais quand est-ce que tu sais plus? Tu sais plus quand tu es tout un temps dehors de la porte. Parce que quand tu es en dehors de la porte, tu n'as plus rien à faire. En somme, on est beau chercher cette personne. Donc, moi, là, si je situe le prêtre actuellement, qui se passe au service de l'humanité pour le bien de l'humanité. Ça va partir de l'évolution. Ça va partir de l'évolution de son ego. D'ailleurs, le service, ça va partir de l'évolution de l'ego. Quand tu n'as rien à faire, tu sais, tu t'as moi, j'ai rien à faire. Moi, tu savais le faire, j'ai rien à faire dans le faire. Ça ne veut pas dire que je fais rien. C'est ça. C'est nuancé. Je me demande, c'est peut-être, moi je trouve que le gars se lance en grand service puis faire ta job. Faire la job. Être dans le service, faire la job. Ça revient à la différence entre l'esprit et l'ego. Quand tu es dans l'esprit, tu n'as rien à faire. Quand tu es dans l'ego, tu n'as pas de choses à faire. Tu n'as pas de choses à faire. Tu n'as pas de choses à faire. Tu penses que tu n'as pas de choses à faire, tu n'as pas de choses à faire. Tu sais que tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. Avoir quelque chose à faire, c'est une forme de talent. Ça fait partie de l'évolution de l'ego, même si l'ego serait très spirituel. Si tu veux quelque chose à faire, c'est son affaire à lui, pas rien. C'est rien. Quand tu as rien à faire, t'es bien, c'est pourquoi? Parce que quand tu as rien à faire, tu as seulement une chose à faire. C'est d'être en harmonie parfaite avec le but de la mort. Quand tu n'as plus rien à faire, c'est bien. Parce que tu n'as qu'une chose à faire, c'est être en harmonie vibratoire avec les autres. Et quand tu es en harmonie vibratoire avec les autres, c'est en haut et en bas, et tout se fait. Tout se fait. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, puis tu peux s'ajuster aussi. T'es juste à côté. Tout se fait, mais le point est là, tout se fait. Tout se fait. Plus ça peut être facile. Tout se fait. Ah, ça a les goûts, il fait ça. C'est quand même. C'est bien cool. Ouais, tout ça. Ça, c'est la lance. C'est pas une moelle, ça. Ouais. Là, il dit, c'est là. C'est la pédagogie. Ouais. Là, tu peux faire bien. Là, tu peux faire bien. Là, tu peux faire bien. Là, tu peux faire bien. t'expliques. Ça veut dire que l'homme n'est pas la créature de Dieu. Bon. Ça veut dire que les corps inférieurs de l'homme ont été créés par ses corps supérieurs. C'est la même affaire. Je pourrais te considérer que l'homme est un dépensé comme moi-même. Prenez ce que je vous dis et puis travaillez avec ça. Allez pas plus loin de ce qui nous donne. Allez, tu vois, travailler avec ce qui nous donne. Sans ça, à ce moment-là, vous mettez ce qui nous donne au service de l'ego. C'est l'ego qui te nourrit. C'est sûr. C'est vrai. Tu nourris l'esprit, tu nourris l'ego. Si on a travaillé avec ça, on sort dans d'autres exemples. Wow. Qu'est-ce que c'est le lien, Bernard. C'est tout des petits lien. C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. Tu fais de l'overtime? On est là, je fais l'overtime, c'est que des conclusions de ce que je dis, parce que votre ego essaie de se situer en relation avec ce que je dis. L'overtime, ça fait partie du fait que vous pensez encore à ce que je dis. Mais vous ne devriez pas penser à ce que je dis. Qui est parce que celui qui est dans un autre monde. Si je suis à New York, moi je suis à Montréal pour faire le téléphone. Je suis à Montréal. Moi je suis pas à New York. Si je lis, c'est correct, pas. Vous êtes à Montréal, vous êtes à New York. On est branché sur le même courant cosmique. Et si tu vas faire un travail sur le téléphone, il va partir de quoi dans ce white là. Ouais. Comme il disait, il était dans le. Ouais. Le téléphone est avant, c'est comme ça, il va partir de quoi dans ce white. Oui. L'adoré, quoi. Il y a du elle est. C'est réel pour lui. Ça existe. Bon, ça va. Tu vas aller là, ça va. C'est un peu comme ça. Mais une fois qu'elle s'explique à lui-même, on est plus besoin d'elle, parce qu'on est bête. Aussitôt qu'on parle, on se dépend de la réalité, on va voir. C'est vous en êtes bête. Vous savez, j'en ai du corps, c'est vrai. Il y avait du bureau, il montait en partant même poser des questions, puis il y avait mis du dîner, souper qui était à 9h de soir. Il y avait du monde toute la journée, puis il montait avec des questions, puis que t'en penses, puis quand est-ce qu'il t'a passé à ça? Tu sais, quand je parle, je dis, c'est subtil, ça, c'est subtil. Tu peux pas comprendre quand tu comprends. Quand tu comprends, là, c'est vrai, ça te saute aux yeux. Mais quand tu comprends pas, tu peux pas comprendre. Les gens m'accusent d'être contradictoire quand tu n'as rien à comprendre. Il y a bien sûr de comprendre, mais pas comprendre, comme on parle. Voilà. C'est après. On ne perd plus d'énergie à toujours discuter des points de vue de l'ego concernant ce qu'on dit. On le parle. Et c'est un petit quelque chose, mais c'est ça. L'autre, une petite quelque chose, c'est ça. L'autre, une petite quelque chose, c'est ça. Là, on commence à se parler comme du monde. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette vibration-là, on ne se parle pas comme du monde. On se parle comme des égos qui veulent savoir

pour la laisser passer cette vibration-là. Là. Avec un choc. Ça change la vibration. Tu veux dire de pas de le reprendre, quoi? Non, hein, ou de... Non. Pour l'aide? Il y a deux façons d'éduquer un enfant. Une façon, c'est de parler, de faire comprendre. C'est la meilleure, c'est la plus facile, c'est la plus plaisante pour tous. Puis une autre façon, qui est exécutoire, qui est essentielle, c'est le choc vibratoire. Le choc vibratoire, il vient d'eux autres. Il passe par l'ego. Puis l'ego peut ou ne peut pas l'exécuter, suivant qu'il y a de l'émotion, du sentiment, la crainte. La crainte. Et ça, quel que soit l'âge de l'homme. Oui. Quel que soit l'homme, que ce soit un homme de 80 ans ou un homme de 2 ans. Parce qu'il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. Une capacité de comprendre aussi l'âme. Il a une capacité de saisir. Il comprendra plus tard. Mais il faut qu'il saisisse. Il saisit. J'aime le monde. Il faut saisir. C'est nous autres qui le saisissons. Il faut que notre esprit saisisse son esprit. Si notre esprit ne saisit pas son esprit, il garde des rohamans en esprit. Il va tout être dans l'ego. C'est très difficile d'élever un enfant, c'est très facile. Ça dépend. Si tu as une vibration ou si tu ne l'as pas. Si tu as une vibration, c'est facile, tu avances. Bah, arrête ou pas. C'est comme si les autres watchent toujours. Tu watches toujours le travail de tes yeux. Ils watchent. Puis tu as sens la vibration dans tes corps. Tu as sens. Des fois, vous autres, vous allez aller dans un restaurant, vous allez voir un enfant qui est réellement détestable. Qu'on appelle l'enfant en fait détestable. Puis là, vous voyez, tu vois, ben, il y a une miette, une belle USSC, puis il dit pas un mot. Il n'y a rien, là. L'enfant, il crie, puis il fait le bordel. Puis ça continue, ben, puis grand-mère est là, puis grand-père est là, puis l'enfant continue le bordel. La vibration passe, il faut qu'elle passe. Mais, on ne peut pas le faire, parce qu'on a des sentiments. Il faut qu'elle passe. Puis ça, c'est bon pour nos enfants. Parce que ça les amène à se conscientiser au niveau de l'esprit. Puis il dit que c'est là que le problème de l'éducation aujourd'hui. C'est très dur aujourd'hui de, pour nous autres de la vivre, cette énergie-là, parce qu'elle est forte. Puis quand elle passe, il faut que l'ego soit assis dans l'esprit, soit assis transmuté en l'esprit, qu'elle passe. Puis après ça, tu rebalances la vibration. Parce que t'es pas fâché contre l'enfant. Tu exécutes l'énergie. C'est pas pareil comme être fâché. Être fâché contre un enfant, c'est pas bon. Être fâché, ça c'est l'ego. C'est de l'ego. C'est ton ego quand t'es fâché. Mais quand la personne, si la personne ne fait pas au moment où ça passe, là, puis que par l'ego, le dernier sentiment, tout ça, là, amortit le choc, à ce moment-là, ça crée comme une faille. Puis cette faille-là, en fait, elle laisse influencer l'ego du sens que l'enfant a toujours un dessus. Ouais, c'est OK. Ouais. Éventuellement, l'enfant prend le dessus. L'enfant chaud. Éventuellement, chaud. Il est moins vraiment fort, chaud. Puis même, ça, j'aurais jusqu'à dire que ça influence sur, même sur d'autres choses, sur les alentours. Même si c'est pas directement la personne de son récit, que ce soit un enfant ou autre. Vous avez d'autres personnes où le choc n'avait pas à faire tantôt. Oui. Ça fait qu'il y a autre chose. Il est très clair. Ouais. C'est pour les enfants, pour les adultes. Alors, l'éducation, c'est une forme mineure d'initiation. Quand tu es conscientisé. Parce qu'il vient un point quand tu es conscientisé, la vibration passe, c'est assez la vibration. Puis il vient un point où ton ego n'est plus là pour la bloquer. Tu la passes. Là, ton enfant reçoit le choc. Tu balances la vibration, puis grandit, puis grandit, puis grandit. Tu arrives à un certain point, tu n'as plus besoin d'éduquer, la fin, tu éduques tout seul. Il est droit, droit. Hein? T'as une idée. Fonctionne tout seul. Mais si tu ne sens pas ça, ben là, tu vas être obligé de l'éduquer jusqu'à 20, 21 ans. Ça arrive. Mais le problème, c'est qu'avec un enfant, il y a le père et la mère, les deux ont pas nécessairement les mêmes situations. Il y en a un qui fait dans une folie, l'autre. D'accord. D'accord. C'est ça que je dis. Là, vous avez expliqué un principe, la conscience, la vibration. Mais il faut que le père vous amène 60 000 secondes. si le père et la mère ne sont pas sur la même longueur d'onde, la mère est mieux de vivre seule. Ou s'arranger pour que ça crée tout. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'ai vécu une énergie comme ça, mais sans raison. Ce bonhomme est à côté de moi, comme j'en ai. Moi, je suis prête à jouer, j'en ai ce bonhomme. C'est venu de ça. Je suis restée, moi, je suis restée aussi bête que lui, parce que c'est un coup qui est venu comme ça. Non, tu regardais les deux, moi, je me suis mis à rire, là, ben, lui, il n'avait pas le choix. Puis, ben, qu'est-ce qu'il prête? Ben, j'ai dit, c'est de l'énergie qui a passé dans ma main. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas frappé à cause de ça, comme tu avais été choqué, mais... Je trouvais ça bizarre, par après. Ouais. Mais si tu avais eu la psychologie pour l'expliquer, tu aurais pu comprendre pourquoi est-ce que tu faisais le geste. Il n'y avait rien de répréhensible. Ouais, ouais. La seule chose que, bien évidemment, ça s'équilibrait par après parce qu'on aurait tous les deux. Tu pouvais apprendre à ne pas se prendre au sérieux. Parce que si. On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce que c'est éduquer un enfant. Éduquer un enfant pour nous autres, c'est ce qu'on pense. Ce n'est pas d'éducation. Ce qu'on fait avec nos enfants, ce n'est pas d'éducation. La preuve, c'est que nos enfants, ils ont 20 ans, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas éduqués. Quand tu éduques un enfant, tu élèves sur la vibration de son esprit pour qu'il arrive à un certain âge qu'il comprenne comme toi. Ça, éduquer un enfant. La mise dans la vibration de l'esprit, ça, c'est l'éduquer un enfant. Puis on dit qu'on ne sait pas éduquer un enfant parce que toute notre éducation qu'on fait avec les enfants est en relation avec nos sentiments qu'on a. Puis on n'est pas conscient de la vibration de la volonté en nous autres. Parce que nos corps sont pas assez développés. Et quand nos corps sont développés à ce moment-là, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça fait cette vibration-là, pourquoi ça sert cette vibration-là. Puis notre ego est tellement fragile que quand on quand qu'on a fait passer cette vibration-là, notre ego, il y a une petite réflexion dans notre ego qu'on se demande si on n'est pas allé trop loin, si on n'aurait pas pété un petit peu plus raisonnable. On se demande toutes les questions. Exactement. Fait que ça. Ce qu'ils font avec nous autres, ce qu'on fait avec nos enfants. L'énergie continue. Ils peuvent pas faire avec nos enfants. Je sais que tu nous as tout le temps des fois avec lui, qu'est-ce qu'il prie. J'ai commencé à jouer avec mon gars, j'ai dit qu'il y a un enfant, le canal est plus ouvert. Ben oui. À ce moment-là, moi je sais qu'il y a des réponses qui me donnent, qui sont des précisions, qui sont en restrictes. J'ai dit bon, là il se couche sur la cuisse, puis là il écoute, là il dit bon, mais non, moi il me fait l'affaire. Puis il y a des fois que ben, il ne dit rien, il ne dit rien, il ne veut pas me le dire, puis il ne sait pas. Puis on joue à ça, puis on fait comme ça. Mais ça, faire ça avec un enfant, c'est dangereux, puis il y a trop d'énergie qui rentre dedans. Non. Non, parce que éventuellement, quand l'enfant va en avoir trop, va en avoir plein son casque, il va arrêter du même. Tu vas dire, ah, laisse-moi l'enfer, fais l'enfer. C'est un grand avantage d'être dangereux. Ouais. Il dit que tu peux pas, quand tu es conscient, tu peux pas détruire. C'est quand tu es inconscient, tu travailles avec les affaires-là que tu peux détruire. Il dit, il n'y a pas de problème de travailler avec les forces. Vous travaillez avec les forces, pas oublier, mais soyez conscient. Hein. Si vous travaillez avec les forces, vous n'êtes pas conscient, c'est là que vous pouvez détruire, parce que votre ego va se mettre dans le jeu, puis votre ego va toujours vouloir soutirer quelque chose de ça. Il dit où est-ce qu'il y a des goûts, il y a des dangers. Si il n'y a pas des goûts, il n'y a pas de danger. Ça permet de garder le canal ouvert. Les enfants, ils n'ont pas à faire. Mais le principe de la volonté, c'est un principe extrêmement puissant. Puis, plus on vit ce principe-là, plus on devient conscient, parce que ce qui arrive, c'est que le principe grandit avec la sensibilité. Plus on devient sensible, plus on sent. Plus on sent. Il y a un point, tu dis, tu sens. Fait que là, l'énergie, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Moi, quand ils me disent, la petite, elle va en avoir une dans deux semaines, là. Quand elle dit, dans deux semaines, elle met une. Il y a des situations qui se peuvent plus faire. Mais il faut toujours balancer avec vos enfants. Faut que les enfants sachent toujours qu'on n'est pas fâché. Oui. Faut qu'ils sachent qu'on n'est pas fâché, qu'on leur explique quelque chose. C'est intéressant. Parce que l'énergie. Parce que l'ego, ça s'essaye toujours. Ça se sent. C'est bien ça, c'est l'enfant. C'est pas fou, l'enfant. C'est pas fou, l'enfant. Il y a beaucoup d'intelligence, l'enfant. Elle n'est pas expressive avec des mots, mais elle est en action. Ce qu'il faut vérifier, c'est chez un enfant, c'est toujours le côté négatif de son ego. Le côté positif de son ego, mais non, c'est le fun. Mais le côté négatif de son ego. C'est ça qu'il faut checker. Puis un côté négatif de l'ego, ça se corrige rien que par un champ vibratoire. Peux-tu donner des exemples du côté négatif de l'ego? Quoi? Ma petite fille après-midi est arrivée à la maison. Là, elle aime ça colporter. Colporter? Oui, oui. Ah, mais c'est pas ça, demain. Elle colle pas. Ça fait longtemps qu'elle colle pas. Elle colle pas. Puis on dit, colle pas. Bon. C'est pas gentil, colle pas. Mais c'est pas assez, ça, elle colle pas pareil. Elle a prévu d'avoir un choc. Elle colle pas truc. Elle a compris, ben tu fais le top, tu étais balancé, t'es contente. Quand je suis parti à toi, elle dit, papa, alors tu pourrais être inconférent. Elle change ses vibrations. Elle devient au direct qu'elle pose ses quatre pieds debout. Parce qu'un enfant qui colle pas, c'est un enfant qui est toujours dans son enfant fier. Bon, les niaisés de bébé. Bon, c'est ce que tu appelles niaisé de bébé. Ça vient en faire, je rentre dans ton esprit. Puis un enfant de 7 ans peut avoir une maturité d'un enfant de 12 ans, c'est dans son esprit. Puis un enfant de 12 ans pas une maturité d'un enfant de 18 ans, c'est dans son esprit. Ils ne sont pas dans son état de esprit, ils sont toujours dans l'ego. Des fois, ils vont me dire, par exemple, laisse-le vivre son enfance. Puis moi, des fois, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire parce qu'il y a des niaiseries, là, j'appelle une niaiserie de bébé, là, quand je vais essayer de couper, mais par contre, ils vont me ramener à des situations comme ça, laisse-le vivre son enfance. Mais, ils peuvent pas t'instruire directement. Ils sont obligés de passer par moi pour t'instruire. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès à de l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès à de l'instruction. Parce que pour avoir accès à de l'instruction, il faut ne pas avoir d'ego. Si ça passe par moi, à ce moment-là, ta faire passer, ça démolit l'enfant, parce que ton ego ne sera pas impliqué dedans. C'est pas bon de se fâcher contre un enfant. C'est pas bon. Mais de donner un choc à un enfant, c'est créatif. La science des chocs vibratoires de Jeff en parlait dans ses études. Le choc. Il y a un moment de donner un choc à un être. Ni avant, ni après. Il y a un moment. La vibration passe, zap. T'apprends là. Pas avant. Après, si t'apprends avant, c'est émotionnel. T'apprends après, c'est émotionnel. La vibration est jamais. Le choc vibratoire n'est jamais sous le contrôle de l'ego. Fait que là, l'enfant bénéficie de cette vibration-là qu'il ne peut pas avoir en relation avec les autres, mais qu'il peut avoir en relation avec tout. Parce que c'est un canal à ce moment-là. C'est comme l'enfant est trop jeune pour être un canal. À ce moment-là, c'est lui qui devient un canal. Alors, quand on est du principe Fait que c'est pas un cadeau.

Ça vient du niveau de conscience, ouais. Parce que tu deviens... Trop sensible.

Et l'autre, quand on va dans une librairie, il faut une petite femme, puis moi, je ne vais jamais dans une librairie. Je vois une petite femme, puis j'ai dit, madame, vous devriez lire ce livre-là, c'est très bon. Alors, elle ne fait pas de m'avoir, madame. Pourquoi est-ce que vous me dites ça?